Hi, this is Lee John of Imagination. Écoutez RLM. Lee John of Imagination, you're listening to Illusion. RLM. RLM, c'est toujours aussi bon. Il est 20h, dépassé de quelques secondes, et vous nous retrouvez dans l'émission 120 au compteur. Alors ce sera le dernier mardi, puisqu'à partir de la semaine prochaine, ce sera à partir de jeudi. J'espère que vous vous portez bien, avec autour de la table une équipe au complet. On va commencer par le plus beau, Sherlock. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment ça va bien? Ça va, très bien, très bien. Alors ce soir, évidemment, on te retrouve pour les sorties ciné, pour le rétro ciné. Oui, effectivement. Voilà, donc sorties ciné de demain, évidemment. Bah oui, pour la dernière. Ouais, pour la dernière fois. Pour la dernière fois. Ah ouais, la c'est prochaine vrai, fois, ce sera les sorties ciné de la veille. Non, ce sera les sorties ciné de la semaine prochaine, la semaine d'après. Oui, mais de la veille. Oui, d'accord, peut-être. Bah ouais. Non, je vais pas dire les sorties qui vont arriver, je vais dire celles qui viennent juste de sortir. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Tu vois. Et alors, tu vas nous parler aussi d'un film, une rétrospective sur un film de 1991. Bon, bien. Nous sommes aussi également avec Onissa. Allô, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ah, j'adore cette voix. Il y en a une autre qui est aussi tout aussi jolie, mais un peu plus masculine. C'est Canon qui est avec nous. Bonsoir la France, bonsoir la Belgique, bonsoir l'Europe, bonsoir tout le monde et bonsoir moi. Ah, ça va les enfants. Il est en forme. Il est en forme. Alors ce soir évidemment, tu vas nous parler. Oui, oh, je ouais, tu vas nous parler, ouais. Ça c'est sûr. Oh, bah, il parle toujours. Tu vas nous parler de quoi? Non, j'ai retracé à nouveau une chanson anglaise que j'ai traduite qui s'est inscrite dans les 100 premières chansons mondialement les plus connues. Et vous allez essayer de deviner laquelle. Vous allez voir, c'est pas mal là. Bien, ah bah c'est, ce sera déjà une belle chronique. Le Zizi de Pierre Perret, peut-être. Ouais, ça sera une belle chronique. On va dire bonsoir. Le Zizi de Pierre Perret. Pardon? Pourquoi tu parles de Pierre Perret? Les chansons sont. Mondialement connu, le Zizi de Pierre Perret peut-être. Bah ouais. Oui, ce serait pas mal, mais sauf que c'est pas en anglais, donc. Le Zai Zai de Pierre Perret. Bonsoir. Bon, ça commence bien, vous l'avez compris, bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, ça va être une émission sous le signe du charme et du sport. Eh oui, alors sous le signe du charme, puisqu'on va recevoir juste après la coupure musicale. Alors vous la connaissez peut-être sur Moucron, il y a des chances, elle s'appelle Joséphine Duranty. Alors nous, on va l'appeler Joséphine parce qu'on est plus intime. Elle va venir nous parler d'une expérience. Alors elle a fait partie de Miss Moucron, on l'avait rencontrée il y a quelques années. Alors quand elle nous a rappelé la date, ça nous a fait un peu peur et ça nous a vieilli puisque c'était en 2011. Oui. Mais cette fois-ci, on la reçoit ce soir pour nous parler donc de Miss Europe Continentale 2018. Rien que ça. Elle sera candidate, donc elle sera avec nous d'ici quelques instants. Et il y aura aussi également donc Kasia et Eric qui vont venir nous rejoindre. Alors oui. Kasia, ce sont, pour faire un résumé très rapide, deux athlètes. On va parler de bodybuilding évidemment, mais ce qui va nous intéressé, c'est leur quotidien. On va faire un peu le côté vie ma vie de bodybuilder. Alors en sachant que Eric va participer au championnat du monde de bodybuilding qui aura lieu donc en Thaïlande au mois d'octobre, il nous en parlera dans le détail et ce sera juste après ça. Oui, alors après Indochine et tes yeux noirs, et la semaine dernière tu m'avais demandé, Canon, un petit Dépêche Mode. Absolument. Et ben, on va revenir après Behind the Wheel. Très bien. Oh yeah. Allez, c'est parti. T'as cherché derrière. Allez, c'est bien. Viens là.

dernière sur la fréquence. Premier sur les hits. Premier sur les hits. RLM, tous les jours. Le meilleur des années 80 à nos jours. RLM. RLM. 107.9 FM. Behind the Wheel de Depeche Mode, très belle programmation. Merci beaucoup. Et qui fait plaisir à Canon. Bah, écoute, oui. J'espère alors, aux auditeurs. Une visite aussi qui va te faire plaisir, qui nous fait plaisir, puisque c'est une demoiselle qu'on avait reçue il y a quelques années dans une radio. Dans une vie antérieure. Et ça nous fait bien plaisir de la revoir parce qu'elle monte, elle monte, elle monte, elle monte comme la petite bête. Hein, mais elle est certainement beaucoup plus jolie qu'une petite bête. Elle est avec nous. C'est Joséphine. Bonsoir, Joséphine. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Joséphine, on l'avait connue à l'époque de Miss Moucron. C'est ça. Voilà. Alors, ça avait été quoi le palmarès à l'époque? T'avais été dauphine, je pense. Hein. J'avais été élue première dauphine en 2013. En 2013 hein. Ah ouais, et mais maintenant ça a grimpé. Alors, entre-temps, tu as fait aussi Miss Belgium. Non, j'ai fait Top Model Belgique. Ah, Top Model Belgique. Ah ouais, non, c'est pas le même. Voilà. J'ai fait Province du Hainaut. Oui. Ouais. J'ai fait Erzo aussi, qui est un peu plus petit. Mm-hmm. J'ai fait Antoine aussi. Et là, bah, ça y est. Et alors là, maintenant, ah non, tu... j'ai fait aussi Miss Belgique et Grand Soleil. Oui, je vous disais, oui, oui. Voilà, oui. Donc un beau palmarès quand même. Et cette fois-ci, maintenant, tu es candidate donc à l'élection de Miss Europe Continentale 2018. Alors, il va falloir que tu nous expliques déjà ce que c'est que Miss Europe Continentale. Oui, c'est ça. Alors, Miss Europe Continentale, en fait, c'est un concours... comment dire ça? Ben, déjà, moi, j'ai été présélectionnée pour la finale nationale. Donc, il y en aura trois qui vont présenter la Belgique. En Italie, qui va se passer alors la grande finale en novembre. Et continental, comment dire ça, ben, c'est un concours en fait qui est. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des faux concours qui sont pas indépendants. Ouais. Que là, c'est vraiment un concours indépendant. Donc ça n'a rien à voir avec les autres concours de Miss. Et nous, enfin, les autres concours sont pas invités à notre élection. Ils peuvent venir, mais ils ne peuvent pas s'afficher avec leur écharpe. D'accord. C'est vraiment indépendant, c'est vraiment que... Et ça a lieu le 15 septembre, et ça aura lieu où alors exactement? Alors ça, c'est à côté de la Louvière, donc c'est à Morage, dans une salle étincelle. Donc ça, comment dire ça, c'est une sorte de gala. Donc c'est avec entrée, repas, dessert d'un chef étoilé, et tout ça en même temps que le spectacle. D'accord. Ah ouais, donc, ça a l'air chaud. Si j'ai bien compris, tu m'arrêtes, Joséphine, mais donc c'est une forme de présélection avant de pouvoir être en Italie, c'est ça? Donc, c'était en mai, j'ai eu la présélection. Ouais. Et du coup, là, je fais partie des finalistes pour la Belgique. Pour la Belgique. Ouais. Et alors, ils en retiennent combien? Une. Il y en a deux officiels qui sont vraiment retenus pour participer donc à la finale. Voilà, c'est ça. Voilà. Et la troisième peut les suivre. Ah, quand même. Mais ne participe pas au concours. Beaucoup de candidates? On est 21. Ah ouais, ouais, quand même. Hein, wow. Quand même. Et qui sponsorise ça en fait? Qui monte cet événement puisqu'il est indépendant? Alors ça se passe en Italie en fait. Donc d'accord. Le bureau c'est en Italie. D'accord. C'est vraiment d'accord. Un concours. Et alors si jamais tu es finaliste, ça t'ouvre certaines portes pour d'autres concours ou? Pas spécialement, mais après on peut être vu par des agences mannequinat, même pour la télé. Oui voilà donc. Ah oui, ça ouvre des portes quand même. Ouais, ouais, c'est vachement rappelle, d'ailleurs, quand tu fais bien de le dire parce que tu fais déjà du mannequinat, t'as déjà fait pas mal de photos, t'as été modèle. On peut te retrouver sur internet, sur un site particulier ou. Alors j'ai une page, mais jamais très à jour. D'accord. Ah oui, d'accord. C'est pas bien. Il faut. Bah ouais, on va te taper dessus, t'inquiète. il faut que tu aies vraiment ta page où tu peux mettre ces photos parce que bon, moi j'ai récupéré quelques photos, effectivement, pour pouvoir créer l'événement et c'est un peu compliqué de savoir. Bah, elles sont toutes aussi belles les unes que les autres et c'est un peu compliqué. Vous pouvez le voir d'ailleurs sur notre page 120 au compteur pour voir à quoi ressemble Joséphine et je pense que t'as toutes tes chances effectivement pour participer donc à la. C'est la demi-finale finalement. Bah là, c'est vraiment, finale Belgique. Là, finale. Voilà, là c'est vraiment la finale pour la Belgique. Ouais. Pour aller représenter la Belgique dans la grande finale européenne. Et donc dans la grande finale européenne, il y aura combien de pays qui se présentent alors? Tous les pays d'Europe. Tous les pays d'Europe, carrément. Donc il va y avoir du monde. Là, cette semaine, on a eu la Miss Finlande qui a été choisie cette semaine. Et nous, on sera les deuxièmes. On sera le deuxième pays à être choisi. D'accord. Eh bien écoute, ce que je te propose, c'est qu'on va en reparler juste après cette petite coupure musicale. Parce que Sherlock il trépine d'impatience là. C'est le maître du temps. Oui, on revient juste après Boule Noire et Aimer d'amour. Et un groupe belge des années 80, c'est Soul Sister avec The Way to Your Heart. Ouais, d'accord, ok. Mais je suis sûr que tu connais. Ouais, certainement. Allez. Parle pas. We'll be right back. 107.9 FM. RLM. Oui, alors vous êtes toujours dans l'émission 120 au compteur, évidemment, sur la dernière fréquence en 107.9. J'espère que vous passez un très très bon moment avec nous. On vient de recevoir donc un petit message de Abdelal qui nous écoute justement en voiture. Et il me dit, ah, j'aimerais bien avoir la photo de la petite bête. Donc la petite bête, elle est avec nous. C'est Joséphine. Donc voilà, donc bah, de toute manière, hein, si vous allez sur internet et vous tapez donc Miss Europe Continentale, vous allez avoir un site officiel sur lequel vous allez voir donc Joséphine, qui est Joséphine Duranty, on peut donner ton. Je suis numéro 17. Numéro 17, numéro comme 17. Ça. Voilà, donc Abdelal, tu pourras voir la bouille de Joséphine. Donc effectivement, rappelons que c'est le 15 septembre. Oui. Donc ça se passe du côté, donc tu m'as dit de. La Louvière. De la Louvière. Il reste des places, je pense. Non. C'est... Ah, c'est complet. Oui, ah, c'est complet. Bon, c'est complet de faire de la promo alors. Oui, oui, là. C'est depuis hier. Bon, bah, en tout cas, nous, on a été très contents de te recevoir. Et puis, bah, qu'est-ce qu'on peut lui dire dans ces cas-là? On peut lui dire. MERDE. Pardon? MERDE. Ah, parce que tu oses pas dire merde à la radio, toi? Non, moi, je suis poli. Ouais, si tu peux merde, le dire, on, leur dit, on te dit merde, on te dit merde à toi. Et puis, donne-nous tes nouvelles. Courant, ouais, quand même. Voilà, tiens-nous au courant pour savoir bah, si tu es élu. Et on le souhaite vraiment, on croise les doigts. J'ai vu les autres candidats, tu as vraiment tes chances, sincèrement. Bah écoute, il y a plusieurs personnes qui me disent, maintenant voilà. On verra. Mais moi c'est sincère. Par contre, mais moi c'est sincère. Tout à l'heure, non, on te disait où on peut te suivre, parce que tout à l'heure on est rentré là-dedans, mais sur quelle page on peut te suivre alors, si quelqu'un souhaite te suivre? Parce que t'en as plusieurs, moi je sais que t'en as. Ce que tu veux, c'est si aujourd'hui quelqu'un voulait te suivre dans ta carrière, dans ce que tu fais, quelqu'un. Alors il faut. Mais je pense que je vais faire directement une nouvelle page en fait. Parce que d'accord. Donc là, je peux mais pas donner de... Pour les photos, c'est quand même des vieilles photos. C'est quand même des vieilles photos. Oui, oui, c'est vrai que tu l'as pas actualisé. De... Pourtant, non. Je me souviens, un photographe, il t'en avait fait une très belle à une certaine époque. Je sais pas comment ça... Canon, je crois. Bon, donc c'est bien. De toute façon, si vous voulez voir bah, Joséphine, elle est sur la page de l'émission 120 au compteur. On a fait un petit billet sympa avec. J'ai fait un choix. J'ai pris que deux photos. Et puis de toute façon, vous verrez les liens, machin. Et puis vous pourrez retrouver certainement d'autres photos de Joséphine. D'ailleurs, vous pourrez retrouver des photos de Joséphine d'il y a quasiment 7 ans. Ah ouais. Vous allez voir qu'elle n'a pas bougé d'un poil. Non. Elle n'a pas bougé d'un poil. Et elle est toujours aussi charmante et toujours aussi jolie. C'est quand même amélioré. Oui. Ah, t'es devenu sympathique. Hein. Alors moins timide, ça c'est sûr. Ouais, c'est vrai. Je me rappelle que les premières fois c'était un peu plus timide, mais c'est vrai qu'on t'avait un peu charrié par rapport à ton prénom. Tu l'avais charrié. C'est vrai. Mais en tout cas, merci à toi, merci de ta bonne humeur, et puis ben, bon courage pour l'élection donc de Miss Europe Continentale qui aura lieu donc le 15 septembre, samedi ici. Voilà. Alors, on te souhaite bonne chance. Ben, grand merci. Voilà, mais je t'en prie. Petite coupure musicale et oui. On va recevoir comme promis donc Kasia et Eric, donc deux athlètes. J'en dis pas plus, vous les avez découverts sur notre page Facebook, ils vont nous parler de bodybuilding à leur façon, ils nous parleront un peu de leur quotidien. On va faire un peu le vie ma vie du bodybuilding, mais ce sera juste après ça. Alors après, j'espère que ça va te porter chance. Étienne Dao avec Weekend à Rome. Ah bah ouais, oh, si ça peut te faire partir en Italie, tant c'est mieux qu'un week-end à Rome. Chanson Évidemment, c'est toujours aussi bon comme tous les mardis soirs de 20h à 22h. J'espère que vous passez un très très bon moment, tout comme nous d'ailleurs, avec Canon, évidemment, avec Odissa, avec Sherlock, oui, avec toute l'équipe, avec Marine qui est avec nous. Et là, bon, vous l'avez annoncé, ils sont avec nous. On vous l'a annoncé depuis quelques semaines. Nous sommes avec, alors on va être courtois, on va démarrer par Kashia. Nous sommes avec Kashia et donc Eric. Pour les présenter très rapidement, Kashia est avant tout coach sportive et coach alimentaire, elle vous en parlera dans le détail. Elle a été première Miss Univers, alors Shape, en 2013, elle nous expliquera ce que c'est exactement, en quoi ça consiste. Nous sommes également avec Eric qui lui alors se prépare, alors il a aussi tout un palmarès, mais alors quand j'ai lu le palmarès je me suis dit il va l'expliquer lui-même. Moi je parle plus, il me fait peur. Ouais. Eric il se prépare actuellement pour le championnat du monde en octobre 2018, donc le mois prochain. Décembre. Ah c'est en décembre. J'ai les sélections en octobre. Ah voilà, sélection en octobre, et donc ça se passera donc en décembre en Thaïlande. Ouais. Alors déjà on va commencer par Kashia pour lui poser la première question, parce que effectivement donc est-ce qu'on peut parler de bodybuilding? Oui, tout à fait. Voilà, c'est parce que on parle ça. De culturisme, on parle de bodybuilding, c'est la même chose. C'est la même chose. Ouais, vous préférez qu'on parle de bodybuilding? Oui. Alors voilà, donc on a devant nous deux athlètes de bodybuilding. Actuellement, donc vous êtes en pleine préparation. Alors surtout Eric est en préparation. Avant de parler de la préparation physique, ce qui est important pour nous, c'est la préparation alimentaire, qui est quand même importante, comme c'est ton métier. Aujourd'hui, parle-nous un peu de la préparation alimentaire, où Eric peut nous parler de la préparation alimentaire pour concourir au championnat du monde. Ben écoutez, la préparation elle se fait sur plusieurs semaines. Tout dépend un petit peu des personnes, de son organisme, du métabolisme de la personne. Moi j'ai commencé tard, je commence que 12 semaines avant la compétition, parce que j'ai un métabolisme rapide, donc j'élimine rapidement les graisses. Je suis sur 6 repas par jour. 6 repas par jour, ouais, oui. J'adorerais ça. Alors, est-ce que tu peux nous faire un détail, parce que moi ça m'éclate à chaque fois déjà. Alors le matin tu commences par manger quoi? Bah une quinzaine d'œufs, ouais, avec 3 jaunes. Et la poule. Allez, après, on va taquiner parfois. Après, non, avec 110 grammes de flocons d'avoine, ouais, un café et un jus de citron avec un peu de vinaigre de cidre. Voilà. Ça, c'est impressionnant. Bah, ça, c'est le matin, ça. Ouais. Et alors, après, continue. Après, 2h30 après, j'ai 200 grammes de patates avec 180 grammes de poulet. Oui. Oui. Mais 2h après. 2h30. 2h30 après. Mais alors, ouais. Tu te lèves à quelle heure le matin quand il y a un coup ? 6h, 6h moins 15. Je mange à 6h. Vers 8h30, je remange. Ouais, quand vous déjeunez, moi, je mange du poulet avec des patates. Ouais. Après. Et après, vers 11h, je remange encore 200 grammes de riz avec encore 180 grammes de poulet. À 1h moins le quart, je vais m'entraîner pendant 2h. Après mon entraînement, je prends de la protéine, à peu près 50 grammes, avec de la glutamine. Et puis ensuite, une heure après avoir pris ça, ma protéine, je refais un repas avec 180 grammes de riz et 180 grammes de poulet. 3 heures après, je remange encore 200 grammes de riz avec encore 180 grammes de poulet. Mais moi, je fais ça, je vais aux toilettes. Ça court. Quand je rentre le soir, je mange 200 grammes de poisson avec encore 200 grammes de riz. Et le soir, avant de me coucher, 2 steaks hachés et 200 grammes d'asperges. Mais le corps tire dessus, donc il en a besoin. En fait, tout le monde croit que pour maigrir, il ne faut pas manger. Pour maigrir, il faut manger. Ouais. Plus vous mangez. Revenons aussi dans le contexte. Eric, il fait pratiquement 100 kilos. Donc évidemment, il n'a pas les mêmes besoins qu'une femme qui en fait 60. Bien sûr. C'est pas du tout mon régime. Tout est adapté par rapport à la personne. Ouais, justement, toi qui es coach alimentaire, rappelons-le, Kasia, chaque personne a besoin d'un certain nombre de calories par jour. Oui. Moi, par exemple, tu m'avais dit que j'avais besoin de 1500 calories à peu près. Bah, minimum, hein, c'est vraiment. Ça, c'est plutôt pour une femme. Alors, moi, je travaille. Merci. Non. Moi, je travaille forcément avec les calories parce que je travaille beaucoup aussi avec le besoin des personnes. Parce que, en fait, OK, on a toujours une recommandation que l'État a fait. Hein. Il y a l'OMS qui recommande autant de calories par jour pour une femme et autant pour un homme. C'est environ 1500-1800 pour une femme et 2000 pour un homme, mais maintenant ça dépend du gabarit aussi. D'accord, ça dépend merci pour moi. De l'activité physique aussi, parce que si on est sédentaire, si on fait pas grand chose entre guillemets dans sa journée, si on est assis derrière un bureau et on ne bouge pas, on n'a pas besoin forcément de 1800 calories. Alors, en prenant un exemple avec Canon, combien il aurait besoin de calories à peu près? Ah, j'en sais rien. Ça, non, à ton avis, comme ça. Je ne sais pas du tout. Ça, il faut savoir, il faut connaître son activité physique, il faut connaître son boulot. En moyenne, on a quand même une moyenne pour un homme. Bah, pour un homme, c'est à peu près 2000-2500 calories. Et pour Eric, on rigole un coup? 3500 à 4000. Hein. Ouais. Bah, en fait, plus la masse musculaire est élevée, plus on a besoin des calories. Après, j'entendais, tu parlais de métabolisme rapide, je connais très bien. C'est pareil, parce que je peux. On brûle beaucoup plus. Des gens comme ça, moi je peux manger comme 10 et en fait perdre très très rapidement si je refais de l'effort. Et ça, c'est 6 000, super. 6000 calories par jour. Ouais. 6000 calories. Ouais. Alors il n'ingurgite pas 6000 calories, non. Il brûle les 6000 calories. Il débrûle. Ah ouais, d'accord. On va continuer à en parler juste après cette coupure musicale. Oui. Alors juste après Jean-Louis Aubert étant à nouveau. Et on reviendra avec Jennifer Lopez et Let's Get Loud. Je croyais que tu allais nous mettre un Rocky ou un non. J'y ai pensé. Bah moi, t'as vu le gabarit que j'ai en face de moi, t'aurais pu mettre un Rocky quoi. Mais je me suis dit, ça allait te chauffer donc. J'ai pensé à ta santé avant. Ouais, t'inquiète pas, je t'aurai. Silence s'impose. Puisqu'il revient à qui de droit de tenter les métamorphoses. Puisque les révolutions se font maintenant à la maison. puisque ce n'est plus qu'un système. Et sa police américaine. FM. Ain't nobody gotta tell you what you gotta do if you want. RLM 107.9 FM. RLM. Alors, ce soir, évidemment, on se sent tout petit, hein, parce qu'on est quand même avec Eric et Kachia. Bon, alors, je me sens tout petit, voilà. Je fais pas 1500 calories, moi. Voilà, donc on est avec Kachia, hein, qui est coach alimentaire, c'est bien ça, hein. Sportive également. Et coach sportive, évidemment, et je peux vous dire qu'elle en fait chier. Parce que je connais quelques personnes qui viennent à tes cours. Alors, tu es aussi coach personnel, c'est-à-dire que... Oui, c'est coach personnel. En Belgique, justement, ça se fait beaucoup, en France, ça se fait un peu moins, mais coach personnel, tu peux expliquer un peu ce que c'est le principe? Bah, en fait, coach personnel, c'est accompagnement d'une personne de A à Z. Donc, c'est-à-dire qu'on fait une séance d'entraînement, donc une, deux, voire trois séances par semaine. Et en plus, en fait, je m'occupe de son alimentation parce que ça fait partie un peu de l'entraînement. En général, c'est des gens qui veulent perdre quelques kilos ou se remettre en forme. Donc, l'alimentation, en général, fait partie de l'entraînement aussi et de l'obtention de ces résultats-là, en fait. Donc voilà, c'est ça du coaching privé. Je m'occupe de la personne, entre guillemets, à 100% du sport, l'alimentation, des fois aussi sur la gestion du stress, parce que c'est des personnes qui ont souvent des métiers assez stressants. Donc je m'occupe également de ça. Voilà. Toi, tu t'occupes de la gestion du stress. Également. Tu ne peux pas manger ça. Ça, tu ne peux pas. C'est toi, donc, le matin qui va au pool chercher les œufs. C'est ça, tout à fait. On a un poulailler, maintenant on investit en bas. Alors, est-ce qu'on peut dire que tu es aussi le coach alimentaire d'Eric, ou alors il s'auto-gère tout seul? Non, Eric, il est suivi par quelqu'un ici. Il a en fait un coach. Moi, je m'occupe plus de ses entraînements, en fait. D'accord. Voilà, donc au niveau alimentaire, c'est quelqu'un d'autre. Et moi, je gère ses entraînements. Alors, on rappelle que Eric va se présenter donc pour le mois de décembre, donc au championnat du monde en Thaïlande. Alors, dans une catégorie particulière, dans une fédération particulière, parce qu'il y en a plusieurs, hein, c'est oui, ça. Oui, moi, ça sera la fédération WBPF. Il y a pas mal de fédérations. Hein. J'ai tiré aussi à la WABA, j'ai tiré à la NAC. Il y a l'IFBB. Enfin, il y en a beaucoup, hein. Donc ça fait un peu comme dans la boxe. Mais bon, ouais. Les niveaux sont toujours les mêmes, hein. Il y a toujours des athlètes. On est athlètes internationaux, amateurs. Donc il y a toujours un niveau par rapport aux sélections et tout ça. C'est vraiment pas, c'est pas parce qu'on va dans une fédé ou une autre que le niveau sera moins bon. Et alors, est-ce qu'on devient, alors on te souhaite évidemment de gagner, est-ce qu'on devient Mister Monde dans ces cas-là ou Ouais, on devient, on gagne le championnat du monde. Alors rappelle-nous un peu. Donc il y a Mister Monde, au-dessus il y a Mister Univers. Il y a pas, c'est pas vraiment des catégories, en fait. Hein. Parce qu'on parlait justement. C'est les fédérations qui choisissent. Par exemple, quand vous avez l'IFBB, vous avez championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde, et après ça s'arrête. Et après vous avez l'Arnold classique, et après vous avez Olympia. Ça, ce sont des grands prix. Des grands prix. Donc ça veut vraiment pas dire grand chose, en fait. Ça dépend du plateau qu'il va avoir, et puis ça dépend des gens qui vont participer. Mais bon, en règle générale, quand on se retrouve dans les sphères des championnats du monde ou à l'univers, de toute façon, il y a toujours des plateaux assez exceptionnels, quoi. Il faut se battre. Hein. J'imagine. Pardon, excuse-moi. Ouais. J'ai demandé justement, hors antenne, on parlait d'un film sur les bodybuilders, et tu me disais à un moment, dans ce film, on parle justement des prix, mais toi, c'est une passion. Mais derrière, tu peux devenir professionnel, il y a une rémunération. Bon, il n'y a pas que l'argent dans la vie, mais tu y trouves ton compte aussi, parce que c'est un entraînement terrible quand même. Moi, j'ai fait ça par passion, c'est arrivé comme ça. Et puis, moi, j'ai commencé le body à 50 ans. Donc ma carrière de body, elle est en fait, je suis vieux. T'es devenu comme ça en un an. Mais un jeune bodybuilder. Je suis un ancien sportif. Donc dans la catégorie doyen, alors. Donc je suis avec catégorie Master 3, plus de 50 ans. Donc on est dans la même catégorie, gamin. Donc avoir une carte pro pour avoir plus de 50 ans, c'est pas tellement intéressant. Et après, ceux qui passent pro, en France, il y a très très peu de gens qui peuvent en vivre. C'est vraiment très rare. Oui. Le coach que j'ai, oui, lui, il en vit. D'accord. Il en vit, lui. Lui, il est sponsorisé, il a de l'argent, il est payé pour ça. Mais c'est le seul en France. Oui, il y a la notion de sponsor, en fait. C'est ça, voilà. Aussi, je veux dire, il n'y a pas une fédération qui non. va payer, en non, fait, non. Non, qui non. va payer directement. Bah, c'est intéressant, tout ça. Hein. Alors, ce que je te propose, Eric, c'est qu'on se fait une coupure musicale, et après, on va parler du posing. Parce que ça, c'est super important. J'ai toujours trouvé ça très impressionnant, mais on n'en dit pas plus. Mais on parlera du posing juste après ça. Après Big Soul et le Brio, ça date de 95. Penche la guitare, entonner des tambours. Moi, j'accorde ma basse. 1, 2, 3, 4. Nous faisons un background de tous les diables. Chantez juste ou chantez fort. Je m'en fiche, je me fais la raque à la musique classique. Edith Piaf ne regrette rien. Pour les discothèques, monsieur, je suis allergique au jazz. Quel c'est, s'il vous plaît? C'est le jukebox. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais le rythme, la cadence, la chanson alors. Musique moderne, populaire, c'est un organe. À la mode, à nos enfants, voudrez-vous brancher les guitares, chanter les guitares? Je m'en fiche, je me fais le rack. Brancher les guitares, le brio. Toute la musique que vous aimez, c'est sur RLM. Et oui, toujours dans l'émission 120 au compteur sur RLM. On espère que vous passez une bonne soirée. Nous sommes toujours en compagnie de toute l'équipe et surtout de Kasia et d'Eric. Donc on était sur le rayon musculation. On va y revenir. On va parler de posing après. C'est Harry qui reprendra la parole. Moi, je vais intervenir sur une chronique parce que Kasia et Eric, vous aimez les années 80-90 au niveau musique. Ouais, ça vous plaît. Faut pas dire non. Hein. Voilà. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Non, non, je suis née, donc. Bah, attention, Eric, sinon je me lève et tu vas avoir un gros problème. Donc, c'est plus ma génération. C'est plus ta génération, mais c'est la mienne. C'est pour ça que je te regarde, Eric. À nous deux. Voilà, à nous deux. Alors voilà, je prends une chanson en fait qui est mondialement connue en anglais. Et puis vous savez que souvent, on les connaît par cœur, on les répète, mais on n'a pas forcément compris le sens profond. Donc en fait, je vous donne la traduction en français. Essayez de la trouver et je vous explique un petit peu après comment la chanson a trouvé ses sources. Allez, je commence. Crier, crier, laissez tout tomber. C'est des choses sans lesquelles on ne peut faire. Avancez, je vous parle, avancez. Dans les moments difficiles, ne vendez pas votre âme en noir et blanc. Ils doivent vraiment, vraiment savoir cet état d'esprit. Ils vous prennent pour des travailleurs. Embrassez-les, au revoir. Ne sautez pas de joie, criez. Ils ont votre vie et en retour, vous avez l'enfer, aussi froid que la glace. J'espère que nous vivrons pour le raconter. Criez, et quand vous baisserez votre garde, si je pouvais vous faire changer d'avis, j'aimerais vraiment toucher profondément votre cœur. Criez. Alors moi je dirais les larmes de crainte. Les larmes de crainte, oui, du groupe. Ouais. Tears for Fears. Tears for Fears, et la chanson, Eric et Kasia. C'est Shout. Shout, évidemment. Shout. Voilà, oui, Shout, qui est le 8ème single. Shout. Shout, Shout. T'as dit Shout, hein. Ouais. Refais-nous un replay, là. Il a bien dit Shout. Hein. Il est temps que je rentre chez moi. Donc, mais vous pourrez écouter le podcast. Voilà. Écoutez les enfants, comme ça, vous le mettrez en go. Donc, c'est le 8ème single du groupe et second extrait de l'album Song from the Big Chair. Chance rencontre un succès énorme en 1985 en atteignant la première place aux États-Unis quelques mois plus tard. Est-ce que vous savez de quoi ça parle en fait? Parce que quand on l'entend, c'est très très festif, on fait la fête avec cette chanson. Et en fait, c'est une chanson très engagée du groupe contre le patronat qui n'a soif enfin que de gains de productivité et prend les salariés pour des esclaves. Alors bizarrement, on a dansé là-dessus alors que c'est une chanson qui est plutôt vachement engagée. Au niveau international, ce titre devient l'un des plus grands hits des années 85, atteignant la première place dans de nombreux pays. À cette occasion, le groupe Tears for Fears acquiert le statut de formation pop-rock avec une tendance new wave majeure pour cette époque. Chant est une chanson qu'on appelle synth pop. En fait, mais vous connaissez le courant majeur synth pop différemment, ça s'appelle en fait la new wave. La synth pop, en fait, ça établit un standard de rajout d'éléments synthétiseurs dans des genres musicaux popularisés tels que la pop et la rock, etc. Et le rock. Je connaissais la sainte Cécile, mais la synth pop. Voilà, SYNTH. Et donc directement des influences comme la house, la trance, pour ne citer qu'elle. Alors comprenez qu'elle est conçue et écrite comme un hit de musique rock acoustique, mais qu'avec des effets non acoustiques, où on rajoute des rythmes de synthé. synthés. Vous retrouvez par exemple dans Wild Boys avec des bruits de métal froissé, ou la chanson Such a Shame dont je vous avais fait part la semaine dernière, oui, exact, avec les bruits d'éléphants en rut. et en musique, ne jamais confondre le ut majeur avec le rut mineur. Harmoniquement centré sur l'accord de si majeur, joué sur un tempo de 96 beats par minute, les enfants accompagnés de percussions, la chanson va musicalement devenir de plus en plus riche au fur et à mesure qu'elle progresse. Cependant, les structures mélodiques restent simples, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle une ritournelle, chante, chante, etc., de telle façon que ça vous reste dans la tête. Pour la petite histoire, on parlait des Français, des Belges. Bah, concernant les Français, on n'est pas bon en anglais. Il y a beaucoup de Français qui traduisaient short par se taire, tais-toi. Vous savez, chat. Ça signifie crier, pousser des cris. C'est ça. Interpeller n'a rien à voir avec ce qu'on pense entendre. Donc fermer, clore, oppresser, etc. Comme quoi, un O, de plus ou de moins. Voilà les enfants. Alors moi, je vous laisse. Hein. On va revenir après sur le. Donc on appelait ça le posing. Le posing, hein, avec Eric. Mais je vous ai pris, je vous ai pris une chanson qui est remixée de deux DJ internationaux qui font ça très très bien. Je sais qu'Harry, c'est pas trop ton truc, c'est Carlos 21, et vous avez Albert Marzinotto qui a fait les Best DJ World, c'est-à-dire c'est un peu comme The Voice, c'est les meilleurs DJ, et ce que vous entendez, c'est son mix, et il a gagné en fait la première place aux États-Unis de DJ sur ce que vous allez entendre maintenant. Thank you. toute la musique que vous aimez, c'est sur RLM. Alors oui, effectivement, je confirme, cette version de Tears for Fears Shout est un peu accélérée quand même. Ah bah oui, oui, mais alors comme je vous rappelle, simplement, c'est Albert Marzinotto, en fait. Bah, on lui donne 21 minutes avant la vraie musique, et en fait, il isole les voix, il a un synthé, il a une batterie, il doit tout faire ça. Vous imaginez le boulot qu'il a fait en 21 minutes, et il est en direct. Et il a gagné, donc Best DJ World USA 2017. Alors en 21 minutes, alors par contre... Par contre, on a avec nous Eric qui est en train de se préparer pour le championnat du monde. Je pense qu'il a mis plus que 21 minutes, 12 semaines pour se préparer effectivement donc au championnat du monde qui aura lieu donc en Thaïlande au mois de décembre. Alors, avant de parler du closing, il y a quand même cette partie de... On parle de sèche aussi également. Est-ce que tu peux nous parler de ce que c'est qu'exactement la sèche? Ben, en fait, bien dans le micro. On va essayer de... On va essayer de présenter le meilleur physique pour le jour de la compétition. Donc pour nous, c'est de retirer tout le gras, l'eau et garder que les muscles. Donc dans ces 12 semaines, au niveau de la préparation alimentaire, il y a des choses qui vont diminuer petit à petit, mais pour garder quand même un certain niveau d'énergie. Et après, les entraînements vont faire que, par rapport à la dépense calorique, on va arriver à avoir un corps bien volumineux et bien rempli pour le jour de la compétition. D'où après le posing. Et après on fait le posing. Alors le posing, c'est vrai que pour nos amis auditeurs, ils savent peut-être pas certainement ce que c'est que le posing, mais est-ce que tu peux nous rappeler exactement ce que c'est que le posing? Alors quand on arrive en compétition internationale, on a entre 20 et 25, voire 30 athlètes. Donc c'est très compliqué pour faire le posing. Donc ils vont faire des tiroirs. C'est des tiroirs de 5. Ça veut dire qu'on va tous aligner et on va sortir 5 personnes à chaque fois et on fait un 4 faces. Ça veut dire une face de devant, côté gauche, côté droit, de dos, et on redevient devant. On repart derrière et tous les tiroirs passent. Et ensuite, les juges, ils ont décidé de 10 athlètes. Et dans ces 10 athlètes, ils vont en sortir 6. Et à ce moment-là, ils vont faire des comparaisons. Et là, on va enchaîner des poses qui sont plus compliquées que les 4 faces. Et c'est le jury qui va t'imposer donc justement la pose. On t'appelle. Ça veut dire que si tu restes au rideau, c'est que tu as raté ta compétition et que tu n'es pas beau. Voilà, c'est tout. Et tu restes pendant toute ta compétition. Toute la compétition, tu restes derrière et tu regardes les autres passer. Ah, c'est chaud. D'accord. Ça veut dire que tout de suite, tu connais déjà ta place. Ah ouais, ça c'est chaud. Et après, comme tu restes derrière, tu sais que tu ne fais pas partie du top 10. À partir du moment où tu connais pas, tu sais que tu n'es pas du top 10, ça veut dire que tu ne seras pas appelé. Tu ne feras pas de routine, tu ne feras pas ton posing libre pendant une minute. La compétition, elle est morte. Ça veut dire que tu t'es préparé pendant 12 semaines, voire 16, voire 18 pour certaines personnes. Voire quelques années pour moi, par exemple. Et pour toi. Sans succès. Ouais, donc c'est réduit, c'est terminé. Ça veut dire qu'il est rentré sur scène, ça a duré 3 minutes, il a fait ses 4 faces et le mec, il est remis derrière, c'est terminé. Et donc ça veut dire que le jury, alors je sais pas, mais j'imagine, quand on te demande d'avancer, d'être devant de scène, sur le proscenium, devant de scène, est-ce qu'on te dit, montre-nous telle partie de ton corps? Non, on est en général plusieurs, on est entre 3 voire 6, oui. Et on nous demande de faire la même pose, les 6 en même temps. Par exemple, un double biceps de face, un double biceps de dos, on biceps se cache. En fait, on fait toutes les faces. Et à ce moment-là, on nous dit, vous pouvez reculer. On en rappelle, mais des fois, tu es rappelé tout de suite. Et c'est comme ça qu'ils vont organiser le top 6. Dans les internationaux, il n'y a que les top 6 qui sont récompensés, qui ont le droit de faire leur posing libre. Mais quand on a décidé que tu étais dans le top 6, tu sais pas encore ta place. Oui, d'accord. Et le jury est composé de... Ça m'intéresse. C'est des anciens internationaux, c'est des gens... C'est tous des juges internationaux qui sont tous agréés, qui sont parfois des anciens athlètes et qui sont parfois des gens qui sont dans le monde du body depuis 20 ans, 30 ans, qui ont vraiment un œil d'expert et qui ont vraiment une expertise. Et qui sont passionnés par ça. Et qui sont passionnés. C'est la passion. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Moi, si je gagne un hiver ou que je perde un hiver ou que je fasse troisième, celui qui fait troisième ou qui fait premier, il a la même chose. C'est-à-dire rien. Une coupe et l'honneur d'avoir présenté, présenté son travail. Et c'est comme ça que ça se passe. Voilà. C'est un beau pied de nez parfois des gens critiquent, parce que c'est vrai, je suis objectif. Hein, moi, je suis le... Il y a des gens qui se produisent comme ça, on se dit ouais, mais c'est trop, c'est tout ça. On en parle hors antenne, c'est vrai que c'est une question de passion. Et puis derrière, c'est pas pour courir après du fric. C'est surtout, avant tout, la passion, beaucoup de travail. C'est un sport comme un autre. Après, les gens y jugent. Il y a des gens qui préfèrent regarder des joueurs de football gagner 400 000 euros par mois, qui tombent par terre, qui pleurent et qui me font, et quand je suis à la télé, ils me font de la peine parce que s'ils savaient les entraînements que je fais ou mes collègues, les entraînements qu'on fait et les douleurs qu'on peut avoir pour arriver à développer son corps. J'aimerais avoir 400 000. À 400 000, je peux vous assurer que je serai encore mieux. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Ah, mais je ne sais pas si c'est ça qui me ferait être plus fort à l'entraînement. Oui, je vois, mais je pense pas. C'est une question de voilà. Passion. Alors, Eric, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'écouter un petit bout de musique parce que Sherlock, il a envie de nous faire découvrir sa programmation ce soir. Et puis, juste après, on parlera donc d'un événement qui aura lieu le 22 septembre, pas très loin d'ici, à quelques pas d'ici. Et c'est Tchatcha qui s'en occupera. Et on parlera d'un bel événement où, justement, vous aurez l'occasion, si vous ne connaissez pas encore ce sport, le bodybuilding, si vous y intéressez, vous voulez en savoir un peu plus et si vous voulez découvrir aussi Eric, rencontrer Eric, Kasia ou bien d'autres athlètes qui seront là, et tu nous en parleras juste après. Just a Man avec I'm Sorry, ça date de 2002. Ouais. Ah, super. Made you cry if I said a lie. sur la fréquence. Premier sur les hits. Premier sur les hits. RLM, tous les jours. Le meilleur des années 80 à nos jours. RLM. RLM. 107.9 FM. Alors, qu'est-ce qu'on se marre quand même hors antenne. Voilà, on fait des petites copains. Bah, c'est-à-dire que. On a un bodybuilder qui est parmi nous, qui nous a dit tout à l'heure qu'il mangeait je sais plus combien de grammes de poulet, ça se compte même en kilos. Et toi qui es à côté avec un corps de poulet par contre. Ah bah, ça va. Donc on rappelle qu'on est avec Eric et Kashia. Avec Eric évidemment qui se prépare donc pour le championnat du monde qui aura lieu donc en Thaïlande au mois de décembre. Alors il y a un événement juste avant la coupure musicale dont on parlait. Il va y avoir des portes ouvertes. Puisqu'en fait il y a aussi Kashia qui a son centre. Alors on appelle ça comment Non, c'est un magasin de compléments alimentaires. De compléments alimentaires, voilà. Et il y a un événement puisqu'il va y avoir donc les portes ouvertes donc le 22 septembre. Tout à fait. Et c'est pas un petit événement puisqu'il va y avoir du monde. Et c'est comme on dit portes ouvertes, c'est que c'est ouvert à tout le monde pour découvrir effectivement le sport, mais aussi découvrir des athlètes. Comme par exemple, alors on parlait d'Edgar Bionic. Edgar Bionic Body. Ouais. Edgar Bionic Body qui est sponsorisé par une marque polonaise. Olympe Nutrition, et comme nous faisons cette marque là et nous on connaît très bien Edgar sera là pour les 1 an d'anniversaire de notre magasin. Donc c'est quelqu'un d'exceptionnel, c'est une personne à 4 ans qui a perdu ses deux jambes en dessous du genou, il a eu un grave accident de voiture et aujourd'hui pour beaucoup de gens qui font ce sport là c'est un exemple de rigueur, de détermination et de motivation. Alors, c'est un grand monsieur. Pour voir ses photos, effectivement, vous tapez sur internet hein, ouais. Edgar Bionic Body. Bionic Body. Vous allez le retrouver. Donc c'est un black monstrueux. Ah, quand je dis monstrueux, c'est positif. Hein, D'une grande gentillesse. Avec beaucoup de charisme, beaucoup de tendresse. Humble. Il y aura aussi d'autres athlètes aussi. Et il y aura aussi mon coach qui sera là, c'est Lionel Beyeke, c'est le meilleur professionnel IFBB aujourd'hui en France, qui a été classé dans les 10 à Olympia avec des grands américains, qui a gagné New York Columbus, qui a fait dans les 6 à l'Arnaud de Classique Pro. Voilà, et c'est le seul pro qui aujourd'hui gagne sa vie, on en parlait tout à l'heure, et qui sera là aussi. J'ai un ami qui est de la région, qui s'appelle Fabrice Radko, qui vient d'avoir sa carte pro, qui était un ancien amateur international, et qui vient d'avoir sa carte pro NABA, qui sera là aussi. Mais lui, il le fait plus, il gagne pas sa vie, mais ça a été pour lui un grand événement cette année d'avoir accroché sa carte pro. Et on aura nos meilleurs amis. Qui sont Isabelle et Gézaël Lévaux, qui sont de Jeumont, dans le 59, à côté de Maubeuge, oui. Qui ont été l'année dernière champions d'Europe en couple. Lui, il a été champion d'Europe master moins de 90 kilos, et ils ont été aussi champions de France en couple. Et c'est des gens merveilleux, c'est nos meilleurs amis, c'est des gens qu'on voit très très souvent, et qui ont la même passion du body, et la même vision du sport que l'on fait ensemble à longueur d'année. On partage beaucoup de choses avec ces gens-là. Donc, en fait, c'est une grande famille. Ouais, pendant cette journée, en fait, il y aura un énorme partage en fait, entre les gens justement passionnés, entre les personnes qui sont aller très très haut, donc qui vient d'un niveau quand même assez exceptionnel. Et nous, en fait, on souhaiterait partager justement aux personnes, pas forcément du milieu du bodybuilding, mais juste pour les sportifs, les gens qui font du fitness. Les gens qui ressemblent à un poulet. Oui, par exemple, tu es le bienvenu, il n'y a pas de problème. On voudrait partager. On voudrait que parfois les gens qui ont une mauvaise image, parce que quand ils nous voient énormément sculptés, ils disent que c'est pas beau, mais il faudrait qu'ils viennent nous voir et puis qu'ils discutent avec nous. C'est plus compliqué que ça. Et il y a beaucoup de gens intéressant sûr, à connaître. Il y a un esprit derrière tout ça. L'esprit est important, je pense, aussi dans ce type de. Alors, rappelle-nous, donc c'est le 22 septembre. 22 septembre. De quelle heure à quelle heure? De 10h à 19h. De 10h à 19h. Ouais. Et ça se passe où exactement alors? Alors, à Villeneuve-d'Ascq, c'est sur le boulevard de l'Ouest, au 100 boulevard de l'Ouest. Hein, c'est indiqué, c'est au bout du boulevard de l'Ouest, mais ça dépend de quel côté vous le prenez. Ouais, venant des prés, hein, si vous connaissez, vous continuez le boulevard de l'Ouest. Donc, après Peugeot. Après Peugeot, voilà. Ah, j'aime bien quand tu dis à Peugeot, après Peugeot. Ouais, c'est la 5 De toute façon, on va relayer l'info et on en reparlera aussi juste après cette coupure musicale. Vous restez avec nous puisqu'il y aura juste après la coupure musicale le rétro-ciné de notre ami Sherlock. Et oui, et là on se retrouve juste après Amy Winehouse avec Rehab. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab. I won't go. C'est sur RLM. Et oui, toujours dans l'émission 120 au compteur. On espère que vous passez toujours une bonne soirée en notre compagnie. Donc nous sommes toujours avec Cachet Eric. On est dans le domaine des athlètes. On parle de la musculation. On a parlé de pas mal de choses. On a une photo formidable de Harry qui essaye de dresser un de ses muscles. En fait, je lui dis belle cuisse. Mais donc, Eric ne fait pas peur. Eric ne fait pas peur. Non, non, parce que c'est ton ami. C'est ton ami. Donc voilà, alors nous allons laisser la parole à notre cher ami aussi Sherlock qui va revenir avec sa chronique ciné, celle qu'on attend tous. Ou là, c'est les sorties ciné que tu veux nous. Non, là, je vais vous parler de la chronique donc rétro ciné. Je vais essayer de vous faire deviner un film qui date de 1991. Alors je ne sais pas si ça va vous parler. Ouais. Alors plus précisément le 10 avril 1991. Un mercredi. C'est ça, oui, effectivement, c'est sorti un mercredi. Ah, vous le saviez pas. C'est ça le truc que c'est. J'étais au collège à l'époque, hein, donc. Ça va. Mais je me souviens parce que le film m'a vraiment frappé. 91, t'étais en collège, toi? Ouais. C'était ma dernière année de collège. Le mythe. Et ouais. Donc la musique est de Danny Elfman. Je ne vais pas vous donner le réalisateur tout de suite, parce que vous allez trouver directement. Et dans les acteurs, je peux vous dire qu'il y avait Kathy Baker, Alan Arkin, Anthony Michael Hall, Diane West et Vincent Price. Voilà. Ouais, ça parle pas. Ça parle pas pour l'instant. Je vois une ou deux. Ah, c'est lui, celui qui a fait la voix dans Thriller. C'est ça, c'est le type qui fait la voix de Thriller. C'est ça. Alors, donc, le film a fait 861 457 entrées au box-office français et a quand même reçu 5 prix, dont un prix Hugo, un BAFTA, un Saturn, et 12 nominations, notamment aux Oscars, aux BAFTA, aux Saturn, aux Grammy et aux Golden Globes. Science-fiction, alors. Un peu, ouais, quand même. Ouais. Enfin, ouais, c'est ancré dans la réalité, mais il y a un petit côté science-fiction. 91, hein. Alors, oui, effectivement. Je vais vous passer donc un premier extrait. C'est une chanson qui passe dans le film. Écoutez bien. It's not unusual, you want to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. Alors, est-ce que ça vous parle? Bon, la chanson, forcément, c'est Tom Jones, comme vous l'aurez reconnu, avec le titre It's Not Unusual. Alors, il a été joué dans un autre film aussi également. Oui, alors vas-y, dis. Bah ouais, donc forcément, c'est pas celui-là, puisque. Non, mais. Ça n'a rien à voir avec Pierce Brosnan. Pas du tout. Ouais, bah je pensais à Mars Attack en fait. Ah non, du tout. Parce qu'il y était dans Mars Attack. Oui, effectivement, il joue dans Mars Attack. Mais c'est pas ça. Mais c'est pas celui-là. Bon, je vais vous passer un extrait du film, et là, à mon avis, déjà rien qu'à celui-là, vous devriez reconnaître le film. Écoutez bien. Y a quelqu'un? Ambassadrice Avon, je suis la représentante des produits Avon pour ce secteur. Excusez-moi de faire ainsi intrusion chez vous, mais vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Elle est vraiment immense, cette maison. Je crois que j'ai bien fait de suivre les cours aéropiques. Alors, il y a un acteur très connu qui a joué un rôle de pirate. Oui, effectivement. Ouais, effectivement. Est-ce que c'est un rapport avec Bricorama? On m'a soufflé le film. Édouard Romanoff. Non, faut pas dire. Bon, bah voilà. On dit c'est pas avant la fin. C'est vrai, bon, effectivement. Encore un qui a rien compris à l'émission. Fallait pas le dire. Alors, je vais vous passer le deuxième extrait sonore que j'avais. Peut-être que ceux qui n'avaient pas trouvé, ça va les mettre sur la voie. Y a-t-il des questions pour Édouard? Oui, madame, posez votre question. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous dans votre nouvelle vie ici en ville? Les amis que je me suis fait. Ah. Bravo. Oui, d'autres questions? Avez-vous songé à la chirurgie corrective ou à vous faire faire une prothèse? Je connais un médecin qui pourrait s'occuper de vous. Je le verrai bien demain. Nous prendrons son nom après l'émission. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Et quelqu'un d'autre? Oui, madame. Mais si vous aviez des mains normales, vous seriez inconnu? Oui, je sais. Ah, je crois qu'il adorerait ça. Mais alors, plus personne ne vous trouverait différent. Vous passeriez plus à la télé, rien de tout ça. Quoi que fasse Édouard, il ne sera jamais comme les autres. Alors forcément, vous avez reconnu... Ah bah oui, merci Eric. Le film favori des coiffeurs. Ouais, entre autres, et des paysagistes. Alors vas-y Eric, c'est... Hein? Je sais plus. Hors antenne, je me suis fait engueuler. Non, je dis plus rien. Édouard Romain d'Argent, il a eu peur de moi. Il a eu peur de moi, je le comprends. Donc oui, effectivement, c'est Édouard Romain d'Argent. Donc le 2 Tim Burton avec Johnny Depp. Alors, donc... C'est l'histoire, donc, c'est une grand-mère qui raconte une histoire à sa petite-fille pour lui expliquer d'où vient la neige qui tombe sur la ville. Donc cette histoire commence avec un jeune homme créé par un inventeur vivant seul dans un sombre château. Mais l'inventeur meurt avant d'avoir pu achever son œuvre, laissant le jeune homme avec des ciseaux aux lames acérées à la place des mains. Il est recueilli donc par Peg et est accepté de tous avant d'être chassé du quartier où il habite. Alors j'ai quelques anecdotes sur le film. Donc la première ébauche du film a été écrite comme une comédie musicale à la base. Et un concept que Tim Burton revisitera plus tard pour L'étrange Noël de Monsieur Jack et pour Les Noces Funèbres. Les cheveux d'Edouard sont basés sur les cheveux de Robert Smith de The Cure. Ah ouais. Tim Burton avait d'ailleurs demandé à The Cure de faire la BO du film et avait même envoyé le script. Alors Robert Smith était occupé d'enregistrer Disintegration à ce moment-là et ne savait même pas qui était Burton. Et maintenant que tu dis, c'est vrai que ses cheveux sont exactement ça en fait. Bah oui, mais c'est ça, ouais. D'accord. Alors le rôle de l'inventeur donc a spécifiquement été écrit pour Vincent Price, dont c'est la dernière apparition en cinéma. Leonard Nimoy était le deuxième choix de Tim Burton pour le rôle au cas où Vincent Price n'aurait pas été disponible ou l'aurait refusé. Alors il faut savoir que pour jouer Edward, qui a été repris par Johnny Depp, ils ont demandé à Gary Oldman, mais il a refusé. Tom Cruise était également envisagé pour le rôle, mais finalement il ne l'a pas pris car il voulait une fin plus heureuse au film. Jim Carrey et Robert Downey Jr. et même Tom Hanks ont tous été considérés pour le rôle d'Edward, et Michael Jackson avait même été évoqué à un moment. Avec ses vrais mains. Avec ses vrais gants. Alors, il faut savoir que Drew Barrymore était pressenti pour le rôle de Kim Boggs, donc qui est revenu à la fin à Winona Ryder. Sarah Gilbert était également considérée pour le rôle de Kim Boggs, mais les producteurs de Roseanne, Sarah Gilbert, c'était l'une des filles de Roseanne, c'était la brune. La brune qui faisait un peu garçon manqué. Les producteurs de Roseanne ne l'ont pas autorisé à sortir de son contrat Julia Roberts, Molly Ringwald, Lea Thompson, Alyssa Milano, Jennifer Connelly, Ali Sheedy, Heather Langenkamp, Elizabeth Shue et Uma Thurman ont également été envisagés pour le rôle. Bon, c'est compliqué après de voir. Alors, il faut savoir que Crispin Glover, qui jouait le rôle du père de Marty McFly dans Retour vers le futur, auditionna pour le rôle de Jim, qui est le méchant en fait, le petit ami de Winona Ryder qui se fait jeter après. Mais le rôle revint finalement à Anthony Michael Hall. Will Wheaton était prévu pour le rôle de Jim, mais était contractuellement tenu par Star Trek La Nouvelle Génération. Corey Feldman a été approché pour le rôle de Jim également, mais il a refusé car il était occupé à faire les Tortues Ninja. Voilà. Angelo. Donc Tim Burton voulait à l'origine Gina Davis pour le rôle de Peg, la maman. Après avoir travaillé avec elle sur Beetlejuice, cependant Davis n'était pas disponible car elle était occupée à tourner sur Hold Up à New York. Et enfin le petit garçon, alors c'est une petite anecdote, on le voit très rapidement dans le film, il y a un petit garçon blond qui fait du slip and slide, donc c'est un tapis de glisse en fait, tapis mouillé où on se jette dessus, qui est au début du film quand on ramène Edward dans le quartier. Et ben ce n'est autre que Nick Carter des Backstreet Boys. Et bien que non crédité dans le film, Carter a lui-même confirmé dans plusieurs interviews. D'accord. Voilà. Bah écoute, j'ai essayé de retenir tous les noms, j'ai pas su. Ouais, je me doute bien. Je me doute bien. Bon, on se retrouve tout de suite après Placebo avec The Bitter End. Vas-y, Placebo. We'll be right back. 87.9 FM. RLM. Toujours sur RLM, hein, dans l'émission Onissa. Dans notre émission, merci. 120 au compteur. Merci. Bah oui, mais tu préviens pas. J'étais bah, bah normalement, tu connais le titre pas de l'émission. Du nom de l'émission, quand même. Donc vous êtes toujours. Non, tu préviens pas que tu me parles. Vous êtes toujours sur RTL avec Onissa. Donc voilà. Ah non, non, moi je suis. On t'a pas entendu beaucoup, Onissa. Ben moi j'écoute, je suis passionnée. Oui, t'as peut-être des questions à poser, nos invités à cacher. Ben non, la sèche et tout ça, moi ça m'intéressait. Oui, on parlait de la sèche. Moi je voulais savoir. Eric, tu, tu soulèves combien de kilos de fonte à peu près? Enfin, c'est quoi ton maximum? Est-ce que tu le sais? Quand les fontues, non, au niveau des entraînements, au niveau du poids, de nombre de kilos que de tonnes, je sais pas, aucune idée. Ça m'intéresse pas. D'accord. Par contre, moi, Eric, juste une question. Plusieurs tonnes, je pense, ouais, par entraînement. Ouais. Au moins une tonne, hein, ça c'est sûr. Mais enfin, je sais pas, tu fais du développé couché ou des trucs comme ça? Développé couché. Oh, 160, 180, une rep, ouais. Ah ouais. Par exemple, l'exemple d'un entraînement, tu fais tout, tu travailles tout le... Non. Par exemple, on va dire que lundi, j'ai travaillé que les jambes. Ah oui, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai travaillé que mes épaules. Voilà. Ah oui, tu travailles pas tout le corps. Non, c'est pas possible. Tu fais des isolations aussi, je suppose. Demain, je vais faire que les biceps et les triceps. Et puis après, je vais faire le dos et les pectoraux. C'est tout est séparé en fait. C'est pour ça que Harry paraissait avoir des gros biceps. C'est ça. Parce qu'il n'avait pas encore travaillé les siens. Ok, je comprends mieux. Un bodybuilder, ça sculpte son corps. D'accord. C'est juste une remise en forme. Et Cachette, tu es arrivé en. Tu es arrivé à ce métier comment en fait? Par passion? Tu es tombé dedans? Grâce à Eric, en fait, c'est lui, quand je l'ai rencontré, en fait, il m'a proposé de s'inscrire avec lui dans la salle de sport où ils ont malin, Eric. Voilà, malin, tout à fait. Ouais, à l'époque, je faisais pas de compétition. Ouais. Et le paradoxe de ça, c'est que c'est Kasha qui m'a mis à la compétition. Oui. Moi, je lui ai appris toutes les machines, tous les exercices et tout ça. Et puis un jour, on est tombé sur un entraîneur et il a remarqué Kasha et c'est lui qui s'en est occupé. Et puis quand il m'a vu, il m'a dit, t'es pas mal, toi, tu pourras en faire un aussi de concours. Et puis c'est parti. Ah, cool. Voilà. Donc tu fais des concours aussi, Kasha? Alors oui, tout à fait. Je fais aussi des compétitions. On n'en a pas parlé, oui, c'est vrai. Oui, c'est pour ça. t'es toujours en compète là actuellement donc? Alors non, pour l'instant, non. Cette année, j'ai fait une petite pause en fait parce que j'ai eu une année assez éprouvante, entre guillemets. Parce que c'est vrai que quand on fait des compétitions, on pousse son corps quand même assez à l'extrême, hein, parce que ça demande beaucoup de rigueur. On est dans notre bulle et mon métier de coach sportif ne me permet pas forcément tout le temps en fait. Il faut que je garde quand même un gap sur mes clients. Hein. Donc aujourd'hui, je suis un petit peu plus concentrée sur le développement de mon travail en fait. Hein. Et puis maintenant, on a également la boutique, donc je la gère également. Ouais, voilà, tout à fait. Donc on va dire que je ne peux pas me permettre à faire de la compétition maintenant actuellement, mais j'en ferai certainement. D'accord. Peut-être l'année prochaine, peut-être dans 2 ans, tout à fait. Et rappelle-moi ton titre que Harry a dit tout à l'heure. Alors j'ai été Miss Univers. T'étais Miss 2013, Univers, ouais, c'est bien ce que j'avais cru comprendre. Ouais, ah oui, oui, quand même. Sherlock, tu vois, Miss Univers, t'as peut-être une chance. J'ai peut-être mes chances, ouais. Donc c'est bien. Et donc, ça t'a apporté quoi, une notoriété Alors c'est surtout ce qui m'a apporté, c'est sur mon CV. Oui. Ça m'a redonné de la crédibilité en fait. Mm-hmm. Nous, en tant que coach sportif, en tant que femme coach sportif, c'est pas évident pour nous. En fait, il y a beaucoup de plus de coach sportifs hommes. Oui. Étant une femme, un homme a un petit peu plus de difficultés de prendre une coach sportive. Oui. D'accord. Donc, sur mon CV, ça m'a apporté quand même une notoriété. Des compétences, ouais, bien sûr. Des compétences, etc. C'est bien. Tout à fait. Donc, comme quoi, même au sein de ce milieu, il y a aussi des préjugés. Oui, tout à fait. Oui. Parce que, nous qui sommes extérieurs à ce milieu, on a des préjugés sur ceux, justement, qui font du culturisme. On se dit, ouais, enfin, c'est pas beau, enfin... Pas forcément moi, hein, mais je parle en général, ce qu'on peut entendre. Mais même en fait, dans ce milieu, même les culturistes veulent pas forcément prendre une femme parce que... Alors moi, je m'occupe pratiquement pas du tout de culturistes. Je m'occupe D'accord. de madame, monsieur, tout le monde. J'entraîne les gens lambda. Ils ont des petits objectifs. Enfin, petits, c'est des objectifs qui sont leurs... Pas de compète, quoi. Voilà, leurs propres objectifs. C'est pas de la compétition. Dans la compétition, j'ai très très peu de personnes en fait. C'est plus voilà, monsieur, madame, tout le monde. Mais oui, en effet, en fait, même les gens ont ce regard comme ça envers les coachs en fait. D'accord. Voilà. Oui, c'est ça, c'est quand même un milieu Et pourtant, Kasia a toutes les capacités professionnelles, puisque mon coach ne me fait pas mes entraînements. Et normalement, il devrait me les faire, parce qu'ils ont eu une longue discussion ensemble avec Kasia. Et c'est Kasia qui fait mes plans d'entraînement, il les envoie, et c'est lui qui les valide. Ça veut dire que depuis le mois de janvier, c'est elle qui me fait tous mes entraînements. D'accord. Et ils sont validés par un professionnel, oui, qui est vraiment une pointure. Oui. Et il n'est jamais remis une seule fois en cause les entraînements que Kasia a fait. Oui, oui. Aujourd'hui, l'histoire de dire je suis un mec, je fais des plus beaux entraînements qu'une femme, ça me fait rigoler, quoi. Non, mais on parlait surtout de certains athlètes. Oui, mais c'est souvent comme ça. Tout, oui, c'est comme parce dans que tous les milieux. Ouais, en fait, tout le monde me demande qui c'est qui me fait mes entraînements. Je dis c'est ma femme. Voilà. Et les gens sont assez surpris parce qu'ils pensent que c'est moi qui fais mes entraînements ou alors mon coach. En fait, c'est comme ça. Ça fait. Puis encore, après, on a beaucoup à évoluer encore. L'expression entre mecs, on va dire qu'on joue les gros bras, c'est que depuis que le monde est monde, il y a les misogynes, les femmes, voilà, tout ça, mais les mecs sont entre eux avec leurs poils et leurs sueurs. Voilà, la femme, elle comprend rien à tout ça. Quoi. Elle comprend rien à tout ça. Il y a Sherlock qui est en train de s'entraîner à mouliner avec ses bras pour essayer d'attraper ses petits muscles. C'est ce qu'il dit hors antenne qu'il serait temps que je me teste pour écouter de la musique. C'est ça, oui, avec les Destiny's Child et Survivor. Vas-y, on se reprend après. But I'm stronger. You thought that I'd be broke without you, but I'm richer. You thought that I'd be sad without you, I laugh harder. Thought I wouldn't grow without you, now I'm wiser. Thought that I'd be helpless without you, but I'm smarter. You thought that I'd be stressed without you, but I'm chilling. la musique que vous aimez, c'est sur RLM. Et oui, vous êtes toujours sur RLM, dans l'émission Ça va tout compteur, avec Kashia, Eric et toute l'équipe, bien sûr. Ouais. Bravo, elle s'est pas trompée d'émission. Là voilà, on avance doucement vers la fin de soirée. Oui, vous me disiez, c'est vrai de rappeler que l'émission en fait va passer le jeudi. Alors si vous nous écoutez, c'est vrai que vous avez, si vous nous suivez depuis 5 ans, même sur une autre radio, ben, on était le mardi, on est revenu ici le mardi. Et pour plein de raisons, voilà, technique, on va passer le jeudi. Donc si vous ne nous entendez pas la semaine prochaine, c'est normal. Sautez de 2 jours et puis vous nous retrouverez, voilà, même heure. Hein. Même heure, même antenne, ouais, ce sera 20h-22h. C'est beau ça, c'est le jeudi, parce que le jeudi tout est perdu. Voilà, moi malheureusement je serai pas avec vous jeudi prochain parce que un petit événement aussi, vous savez qu'il y a les championnats du monde en fait de chant, hein, donc voilà, et donc j'aurai l'occasion d'être avec l'équipe de France à défendre les couleurs de la France aux championnats du monde avec madame Diane Tell, donc on va aller s'amuser là-bas. Donc voilà. Et nous on sera là. Bah oui, vous serez là, j'espère bien. J'essaierai de vous écouter, d'avoir une interview de madame Diane Tell. Ouais. Voilà. Et si, moi aussi j'essaie. Et si on gagne, vous aurez une interview de moi, mais ça va être très cher. Ça va être très cher. Non, mais ça va aller, ça, c'est bon. Oui, donc je disais, Antoine, je posais la question à Eric de dire que oui, c'est avec le temps, avec tout ça, il faut toujours garder son alimentation. Il faut, voilà, c'est un travail de tous les instants quand t'es en compétition. Donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot, quoi. Ouais, ouais. Après, quand c'est une passion, après ça fait partie. C'est une autre façon de vivre. Hein, on est réglé comme ça en fait. Donc, En dehors de tes amis, évidemment, de ce genre de compétition, tous tes amis autour de toi, parce que je sais que c'est un sport qui peut être adoré ou décrié, je veux dire, se comprennent cette. Parce que tu as des contraintes d'entraînement, de repas, de. En fait, aujourd'hui, je pense que les gens comprennent plus par rapport à mon âge. Oui. Voilà. Et nous, on essaye de s'entourer des gens qui font ce sport-là. Voilà. Oui, absolument, d'accord. Parce qu'autrement, on rentre toujours dans de la critique, dans du jugement. C'est bien français aussi. Surtout, on va dire qu'en Belgique, non, c'est pas comme ça. En Allemagne non plus, en Pologne non plus. Mais en France, on est toujours dans le jugement. Et pourquoi tu fais ça? Et pourquoi tu fais ci? Et c'est dans le jugement. Voilà. Ouais. Et là, aujourd'hui, vu que j'approche bientôt de mes 58 ans, et que je pense que j'ai un physique qui est différent d'un homme de 58 ans, ça les inquiète un petit peu et ils se disent ma foi, il a peut-être pas tort de s'occuper de lui quand même, hein. T'es à côté d'un de mes amis là, je suis en train de vous regarder, j'étais à son anniversaire récemment, moi je dis que ouais, effectivement il y a des différences. Voilà, avant tout c'est une hygiène de vie et je pense qu'aujourd'hui par rapport à la façon dont j'ai vécu les années précédentes, je récolte quoi maintenant. Voilà. Tu n'as pas peur que ça va se terminer un jour? J'explique ma question. Tout à l'heure, tu parlais avec Harry, Sherlock, moi-même, tout ça, on fait de la scène dans un autre. Mais on fait de la scène et moi, je me dis toujours, si un jour je quitte la scène, ça sera compliqué. Donc, il arrive un moment, ça va devenir compliqué, certainement. Alors, j'ai été aux États-Unis avec Kasha pendant un été. On est resté pratiquement un mois et on a vu dans les salles américaines où il y avait des gens qui avaient 70 ans. Ah, excellent. Et je peux vous assurer. Qu'ils affichaient des physiques que beaucoup de jeunes n'ont pas encore et n'auront peut-être jamais. Ah oui, c'est clair. Donc je me dis que j'ai encore un peu des années devant moi. Voilà. C'est une marge, allez, c'est bon. Mais il va peut-être pas continuer dans la compétition, mais dans ce sport-là. Oui, c'est ça, toujours continuer. Voilà. De toute façon, quand c'est dedans, oui, je pense que tu iras t'entraîner, tu prendras soin de toi. Oui, on est heureux. Moi, je suis heureux d'aller à la salle. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Je pense d'ailleurs que c'est pas bon jamais d'arrêter complètement. De toute façon, je dis ça parce que je suis en relation avec une danseuse classique qui en fait régulièrement et à qui on dit de toute façon, il faut toujours continuer la souplesse. Bah oui, moi j'ai eu pas mal de soucis pendant depuis que je suis adolescent jusqu'à maintenant. J'ai eu pas mal de fractures, j'ai pas mal de problèmes physiques et c'est ce sport-là qui me fait tenir parce que j'ai repris la musculation suite à un très grave accident de moto. D'accord. Où j'ai eu la L2 et la L3 brisées. C'était tout au début qu'on était ensemble avec Kasha et vraiment je me suis mis à la muscu à fond. Ça. Ah ouais, c'est un scoop. T'es pas au courant. Tous ceux qui voient le physique, on se dit oh merde, eh ben non, il est en couple. Ah non, elle est prise. Elle est prise. Non mais je parlais aussi de toi. Oh, il est humble. Voilà. Il est humble. Bronco Denver a-t-il. Donc voilà. On va se retrouver tout de suite après une petite coupure musicale avec Calogero et 1987. Ah oui. Tu te souviens, les couleurs sur les baskets. Je rembobine, tu te souviens? Tous ces rêves pleins nos disquettes. À Paris, c'était les States. 1987. Sur la fin de l'émission, 220 au compteur, donc on va ralentir un peu la vitesse, mais non, on va accélérer, il nous reste encore 8 minutes avec Sherlock, Onissa, toute l'équipe, Eric et Kachia. Donc on parlait de musculation, on va parler aussi, alors c'est important Kachia, il y a un événement en fait qui va se passer le 29 septembre, c'est bien 22, ça oui. 22. Le 22, pardon, excuse-moi, je vis à l'envers et puis non, j'ai 51 ans, j'ai pas mes lunettes. Oui. Toi, tais-toi. Vas-y, on t'écoute. On va fêter donc le premier anniversaire de l'ouverture de la boutique, ouais. La boutique des compléments alimentaires. Oui. Pas que pour les bodybuilders et les sportifs, il y a aussi des compléments bio, des compléments alimentaires, pas forcément pour les gens qui font du sport, hein, évidemment. Donc on fait justement cette porte ouverte avec des athlètes internationaux. Il y aura plus de 600 kilos en athlète. Hein. Wow. Ça sera du lourd ici. Voilà, l'objectif c'est de partager la passion, d'échange, beaucoup d'échanges entre tout le monde et une belle rencontre. D'accord. Enfin, d'accord. Voilà. Et tu seras là pour conseiller si des gens veulent des... Oui, bien sûr. Donc c'est le but. C'est porte ouverte, c'est ouverte à tout le monde. Pas c'est ouvert à tout le monde. Les gens, ça, on disait tout à l'heure, des gens, 600 kilos d'athlètes et de muscles, c'est votre truc. Les gens disaient, oh, je joue pas le London, à part moi, évidemment, mais je vais paraître ridicule, quoi. En fait, ce qui va se passer, c'est que les gens qui vont venir, ils vont pouvoir avoir cette proximité. Oui, c'est bien. Parce qu'en général, ils les voient sur les magazines, ils les voient à la télévision, abstrait, hein. Sur YouTube, et ça impressionne parce qu'ils sont à la télé. Mais là, ils les verront en vrai. Alors, ils seront pas en maillot de bain, ils seront habillés, mais même habillés. la pauvre. Mais même habillée, je peux vous assurer que. Tu viens de perdre pas mal de clients, c'est vrai. Bon, moi je parle plus. Mon cachet, c'est à toi. Non, je plaisante, je taquine. Je taquine. Ah, tu nous as tué la promo. Non, parce que voilà. Maillot de bain, tu disais, il y a des maillots de bain à 500 balles qui pouvaient faire tout ça. Ouais, ouais. Donc, voilà. Donc, non, voilà, cette journée, tout le monde est bienvenu. Voilà. D'accord. Oui, et bah, écoute, ce qu'on fera là, tu vas nous répéter vraiment l'heure et l'adresse. Mais par contre, tu nous donneras surtout, c'est un petit fly web qu'on puisse le mettre sur la page pour que tous ceux qui nous écoutent puissent y assister. Et puis, je suis certain qu'il y a des passionnés. Hein, donc, ça se passe où À Villeneuve d'Ascq. Donc, oui. C'est le magasin H&V Shop. Oui. Boulevard de l'Ouest. Après Peugeot. Après Peugeot. Après quoi ? Après Peugeot. Oh, j'adore. C'est de l'Ouest après Peugeot. C'est pareil, non ? C'est Peugeot. C'est pareil, c'est français. Non, non, non. C'est bon, il est bon. Ah, bah, ouais. En fait, soirée toujours. Donc, voilà. De toute manière, vous aurez toutes les informations. Ah, mais avec plaisir. Avec plaisir. Bah, écoute, si j'ai l'occasion, c'est quel jour, le 22 ? Le 22, c'est un samedi. C'est un samedi. Si j'ai l'occasion, je passerai, c'est pas très loin, je passerai faire un tour. Très bien. Bienvenue. Le 22. Sois bienvenue. Voilà. Et moi, je bosse, je suis verte, je verrai pas mes 600 kilos de muscles. Excuse-moi, je suis en train de mentir. Non, j'enverrai quelqu'un le 22. Malheureusement, je suis pas là, je suis sur Paris. J'étais en train d'expliquer, j'avais vu le 22. Voilà. Mais on y saillera. Bah non, je bosse. On se fait une toute dernière coupure musicale et on se retrouve après pour se dire au revoir. D'accord. T'aimes bien nous mettre de la musique, toi, quand je parle. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? See it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. Put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. Dernière sur la fréquence, premier sur le hit, RLM 107.9 FM. Et oui, toujours dans l'émission 120 au compteur, et on arrive vraiment à la fin de l'émission. Là, il reste plus que deux petites minutes. pour se dire au revoir, pour dire au revoir à Eric et Kasia. Ah oui, un plaisir de vous avoir rencontré. Bah, c'est gentil. Très sympa. Ah oui, c'était bah, vraiment pas génial. Franchement, mais j'ai appris plein de trucs. C'est une très bonne émission. Ah bah, moi, j'avais un peu le trac, mais ça va, on est détendu. Ouais, bah, participé à la détente. Hein, ouais, mais bon, avec mes connaissances cinématographiques, je pouvais pas me battre. Hein. Ah, bon, en face de toi, j'avais un peu le trac aussi. Donc, je suis détendu. Donc, si vous avez passé une superbe émission, c'est très bien. Oui, il faut quand même rappeler aux auditeurs que c'est la dernière fois qu'on se retrouve le mardi. Absolument. Dorénavant, ce sera le jeudi. Et oui, les enfants. De 20h à 22h, ne l'oubliez pas. Notez sur vos agendas, jeudi 20, la prochaine fois qu'on sera à l'antenne. J'espère qu'on aura tout le monde à l'écoute, hein, forcément. Ah bah, bien sûr, ils seront tous là. Et puis deux jours après, vous avez rendez-vous à Villeneuve d'Ascq pour le magasin de Cachal, pour son inauguration, fêter ses 1 an. C'est ça, pour fêter son anniversaire de ses 1 an. Ouais. Anniversaire du magasin. Du magasin. Pas les miens. Ouais, dis donc, t'es vachement bien. Il y aura trop de monde. Ouais, voilà. Voilà. Moi, une chose aussi, la semaine prochaine, je vous laisserai aussi parler d'une fête. C'est la Delta Fête qui va se passer. Arzo, donc le 5-6-7 avec 15 artistes, donc le champion d'Europe avec il y aura beaucoup de monde. On reviendra là-dessus et on vous en parlera plus en détail. Je laisserai Onissa et Sherlock et Harry vous en parler. Donc moi je vous fais de gros bisous pour ma part. Oui, passez une bonne soirée. Gros bisous, merci Eric, merci Kasia pour votre émission. Merci, bonsoir à tous. Super émission. Sherlock, merci quoi. J'en ai marre ce mec-là. Allez, bonne semaine à tous. Ciao, ciao. Allez, ciao. Salut.